Ah, Eve Boutique, temple de l'habillement à pointe noire. Asta Pink Ladies à Abidjan, très forte. Les nobles, Robert Mouyembe. Les mots je t'aime, prends 3 secondes pour le dire, 3 heures pour l'expliquer, toute une vie pour le prouver. Charles Taboamissi, JP Charadi, l'intouchable de Domo Samba. Mokolo liboso yo lekaki na balabala na biso, nene foleli etamboli ya motela mbinzo. Nakokaki te pe na frotaki maboko na nga na miso, mpo na tala vraiment soki na nango azalaki koleka. Oh, oh, hey, hey, hey. Oriane et Lyon, la pépite d'or. Présence non motiva kangalo kola ba mama catholique. Soki baso kosambela Maria libo sacrote na ye. Oh, yebisanga soki osale kya Marie Madeleine. Tope kuzinya jesi po pando koma na ngai. Vula ba chance koma kono kananda kona ngai. Tobi tira koseko esala kasena. Fami na vino mbenge. Alain Michel Ibarra, Chloé Ibarra. Mbengo yakina finanga na système ya mbinzo. Après avoir causé ses mosiles singa et l'inga fle. Oke kokome la nani ya moli pungu pungwe. Pobo s'envole na l'île de mien. Na nuit de plaisir, nuit de noces, nuit de chocho. King Jacques Mbengue, Chancel Boulassa, Straf Oyens. Allume une bougie au lieu de maudire l'obscurité. Moninga Pessiboul, Ponamire Koyate, Yo suis pour se tabé, pour Djeli Nanzela. Mais vous bien que les familles sont côté naïe, dans ma société, le monde. Ma famille va tout boni. Jacques Bouquet, Bertil Songola et Jean-Claude Songola. J'ai souffert d'une maladie, pas béni comme amour. Tango na mona ki onenga na zwa ki guérison. Olo baki na anga tukubu ya nati. Kakali wa ebo kabola biso. Nzoka malo beza la kia ololo. Oh, Mbenge, oh, Mbenge. Nzelo zo tango la so kyo yo oki. Baku de bang so kyo moni mandala ala. Eza nango de inasyonati. Matanga denge obo inonga. Pour ressusciter les sous la douleur. Pas pour ta nion sans cala et tout m'boigni. Bengé Dodo Mwaka Baiko moto temui de Jova et Shaddai. Ma qui laisse le on irait la commune. Donne sa chaîne à ma ya transfusion. Alors son abor y anime moninga. Salano qui anime comme iconique. Et comme un bon manamonga sabitie, Bengé. Maman Céline Mbengue. Na gastronomie baloba, quelle que soit la quantité. Les qualités habilées, ils sont que joliens au micolonio. Ça doit changer, pas tu risques de tomber malade. Kasi comme un micolonio, son ami son amai. Les amours nous tout n'a pas qu'un fiton en aïe. Si, mais amour nous est à l'île des mystères. Kana kanga mina mignololo ya sentiment. Mbenge nangai, kopi melanga ya mote. Sayango mounou zéro, chéri ya kato se faire soute. Papi kake, soko lingi naye. Mabelanga mouchima. Soko lingi nga lobana. Mabelanga mounounwe. Soko lingi naye. Mabelanga mouchima. Wili moucheni lobana. Mabelanga mounounwe. Kode molinga ye. Pourquoi yo demolina? Bingi, ma dame lo baka ne faites pas ça chez vous. Même petit gars mon love. Aurore, yo pratique mon amour tema. Qui Noël, Mouya ya maïde. Mais yo pratique mon amour. Général d'Amour ya mon amour. Amour, linde mystère. Manakanga mina mignololo ya sentima. Mbenge nanay, kopi melanga ya mote. Sayango mounou zéro chéri ya kato se fer soute. Aurore nanay, soko lingi naye. Babelanga mouchima. Soko lingi na lobana. Babelanga mounou. Manulu vaka lobana nwe Mchima Pito mavungu lobana nwe Jofi Firan Ya Willy Bumbi Jete manga na tche motema Isaiah Tessi Nanu musinga na mi pesi nyoso Itaka yango yosakana na yango Sirvula ikanga manama pata likolo Jete manga na tche motema Ledika Lalu musinga na mi pesi nyoso Viso nyembo Itaka yango yosakana na yango Sirvula ikanga manama pata likolo Cécile Mamana Colline Paul Malier Terre Sacrée Mounouzola Kwelange Honorable Jean-Marie Moulato Touba Naba Mpangyange Oronga na tse motemae Réveli l'équipe Cardozo Mwamba na tse motemae Papi kakia tse motemae Mole Moukedi Charisme Pilo kakia tse motemae Oronga na mi pesi nyosoe Brunel Teplice Pika mambunge na salae Shakira Litaka yango yosakana na yango Sirvula ikanga manama pata likolo Amunweza linde mister Nanakanga mina minyololo ya santima Mbenge nangai kopi melanga yango te Sayango munu zero sheri ya kato sefer sute Tete klimatize Soko lingi nga ye Babelanga mouchima Soko lingi nga lobana nwe Babelanga mounu nwe Soko lingi nga ye Babelanga mouchima Jamari kasamba lobana nwe Babelanga mounu nwe Ninele sasu lobana nwe Kino wele se kina Amour nwe zalinde mister Nanakanga mina minyololo ya santima Horor nangai kopi melanga ya ngote Sayango munu zero sheri ya kato sefer soute Mbenge nangai Mimi nakangu di Paris 16e Gisele vefose atiti Christine Dago Mbenge, Horor Mbenge Jenny Play na Londres Fernandez Laetitia Bimae Pili Pili Florian Miocono Gay Mamadou Jojo Abiba Soldante.